Chaque don est reconnu, car rien de ce qui est donné pour Dieu ne tombe jamais dans l'oubli. Tu vois ce qui est caché dans le cœur du don. Même ce que le monde ne remarque pas, tu le comptes devant ta face. Car dans ton royaume silencieux, aucun amour ne perd sa trace. Même ce que le monde ne remarque pas, tu l'inscris dans l'éternité. Car la fidélité dans l'ombre construit ce que tous verront un jour.